au bout du rouleau et qu'on n'est plus soi-même. Quand il n'y a plus aucun boulot, qu'on a que des problèmes. Les solutions s'éloignent et les engraines s'emmènent. On finit à l'agnol et c'est le foie qui saigne. On se détruit à petit feu, une vie de merde et c'est guère mieux. Le chemin interminable est de plus en plus long. Je suis une denrée périssable mais de plus en plus vieux. Je veux finir sous le sable et rejoindre le bon Dieu. Certains fêteront ma mort et diront c'est bien mieux. Il s'annonçait déjà mort, en fait il a ce qu'il veut. J'ai joué avec le sort et c'est la fin du jeu. Mon rêve était trop fort, je me suis brûlé les yeux. J'aurais mieux fait de sortir dehors, changer de route. On a tous le même destin mais pas la même route. La mort est au bout du chemin pour celui qui doute. J'ai pas fait que du bien mais j'en ai rien à foutre. Je reconnais les miens, y'en a aucun qui doute. Une équipe de vrais chiens qui errent sur les routes. Pas une thune en poche mais combien ça coûte. Mes potes me disent raccroche mais j'ai encore un doute. Au fil du temps je m'approche, ça avance au compte-goutte. Quand il y a un seul doute c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route. Quand il y a un seul doute c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route. Si j'étais toxico ça serait mon dernier shoot. Si j'étais un clan d'eau je partirais dans une soute. Mais rien tout ça pour moi, déjà mort mon combat représente la mort et celui qui s'en va. Chaque seconde dans le monde meurt. Un enfant, un vieux, une vieille, un parent, une sœur. On pleure mais on n'en parle pas. Un cœur tellement dur qu'on n'y croit pas. La vie est dure, c'est pas d'hier. J'immortalise pas mal de frères. On perd l'ampleur des faits divers. On banalise la mort d'un père. Je sensibilise avec mes vers. Jusqu'à ma mort, je suis pas prêt de me taire ou de laisser faire. L'air de rien, je pars en conquête, mal comme un. Y'a beaucoup de chemin, mais ça tombe bien. J'ai le bâton de Moïse et les sandales de Romain. Albin des bois, du peurage rap pour ceux qui ont rien. Je suis leur dernière chance dans ce monde de vauriens. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route.